J'ai considéré cette première rencontre plutôt comme un espace de discussion et j'espère que mon inorganisation ne sera pas ridicule, mais d'une certaine manière, le mot ridicule vient lui-même de réticule. Sur la question de définition, je retiendrai deux aspects de la notion de réseau et j'aime bien les fables de La Fontaine. Alors, je resserre ce que j'ai resservi la semaine dernière, mais j'en abuserai pas. Ceci dit, excusez-moi, Laurent, Marion et Gabriel. Donc, voilà. Premier aspect, le filet de capture obligeant une alliance entre deux animaux ennemis, donc une alliance contre nature, et mettant sous dépendance. L'autre, c'est celle plus classique utilisée depuis Hippocrate sur la circulation, l'entrelacs des nerfs permettant au corps de fonctionner. Et j'entendrai finalement la notion de réseau, mais c'est une définition que j'ai finalement utilisée a posteriori pour un objet de recherche particulier, comme la structure plus ou moins visible, soutenant la circulation d'un gift, au sens de Marcel Mauss, dont poison, attachant mais obligeant en retour. Pourquoi l'analyse de réseau ? En fait, l'analyse de réseau m'a permis de renouveler l'histoire du livre, puisque je m'intéresse aux faillites de libraires, puisque l'histoire du livre est dominée par les monographies et l'histoire culturelle, et la faillite permet de renouveler cette historiographie. Et l'analyse du réseau m'a permis aussi d'étudier le mode de financement des libraires. Alors, j'ai tout de même essayé de faire un plan pour paraître cohérente, donc un plan en trois parties, comme les aiment les historiens. Mais bien sûr, il y a plein d'incohérences dedans. Alors, trois points, je commencerai de la source de départ. Les faillites de libraires, je reviendrai rapidement dessus. Deuxième point, j'expliquerai les résultats. Et ce qui m'intéresse surtout, c'est les nouveaux chantiers. Et bien sûr, après la thèse, en fait, c'est encore pire, on est encore plus dispersé. On en parlait un jour avec Claire, c'est pire qu'avant. Alors, les faillites d'abord, petit rappel, puisqu'à chaque fois on me demande, mais puisque vous étudiez les faillites, c'est dû à quoi les faillites ? Et puis avec la crise actuelle, on nous demande comment on peut prévoir les faillites et les crises, etc. Première chose, la faillite est un examen de confiance et une stratégie d'apurement des dettes. Alors, je rappelle... globalement le flux de faillite, la période la plus douloureuse pour les libraires, c'est sous la monarchie de Juillet. Il y a 20 à 30 faillites qui s'ouvrent entre 1826 et 1831. Et ça, ce flux va à l'inverse des faillites parisiennes et nationales, mais c'est pas grave. Alors, j'ai voulu faire quelque chose sur une carte mentale. J'ai planché pendant quelques heures et puis finalement ça m'a énervé, j'ai fait ça sur mon bout de papier, je suis désolée. Une faillite se découpe en trois périodes, une déclaration, un procès et la résolution de la faillite. Alors, comment s'ouvre une faillite? On a trois possibilités. Soit le débiteur est insolvable et va déposer tout seul son bilan au tribunal du commerce. Soit les créanciers lui en veulent et donc le poursuivent et le même débiteur est obligé de déposer son bilan. Troisième possibilité, là, il paraît malhonnête a priori, puisque le tribunal va lui-même chercher le débiteur pour l'emmener au tribunal. Solution, donc c'est en vert, hein, de l'autre côté, on a trois solutions. Le concordat, le commerçant reprend le commerce et il n'y a pas de problème. Fayard fait deux faillites en 1862 et 1867, il rebondit très bien. Et on sait bien avec Balzac que Nucingen s'enrichit après ces deux banqueroutes. Autre solution, c'est l'union des créanciers. Ils ne veulent pas octroyer un concordat aux débiteurs et donc, soi-disant, le failli ne peut plus reprendre le commerce, mais en fait, ce n'est pas vrai. On a plusieurs fois des unions et le commerçant reprend son commerce avec le même nom, à la même adresse, pas de souci. Troisième possibilité, et ça, c'est à partir de 1838, clôture pour insuffisance de fonds, parce que parfois, les faillites durent plusieurs années et ça ruine tout le monde, les créanciers également. Alors, là, ça devient plus compliqué. On a donc différentes pièces. À l'ouverture, le failli doit déposer un bilan. Pourquoi un examen de confiance ? Parce que selon la propreté du bilan, ça va dépendre ça va influencer l'issue. Là, on a un failli qui est très propre et effectivement, ça va influencer sur son jugement. C'est rare qu'on ait un bilan en deux parties avec toutes les adresses de ses créanciers, etc. Mais en fait, il fait plein de fautes parce qu'il met des mauvaises créances et puis il les ajoute quand même à son actif. Enfin, bon, c'est pas grave. Pendant son procès, il y a donc le syndic qui fait son enquête. Il fait l'inventaire des biens et marchandises et de son local. Il vérifie les créanciers. Ça donne ce genre de choses. Bon, là, c'est l'écriture du greffe qu'on a marre puisqu'il en est à la je ne sais combien tième de créanciers. Et enfin, il rédige son rapport qui va être lu lors de l'assemblée de créanciers et au moment où les créanciers votent ou non l'union ou le concordat. Alors, tout ce qu'il y a en violet autour, c'est justement cet examen de confiance, parce que si le failli dépose son bilan, bah, c'est bon pour lui et il a plus de chances d'obtenir un concordat. C'est intéressant un concordat parce que globalement, le failli il paye 30% de ses dettes. Donc c'est quand même intéressant. Après, il y a l'élection du syndic, c'est un autre facteur d'influence sur la résolution de la faillite, puisqu'en fait, avant 1838, les faillis sont choisis par et parmi les créanciers. Donc il y a bien sûr un jeu d'alliance, on ne va pas se fâcher avec son confrère, donc bien sûr, on va lui donner un concordat. C'est un peu ce qu'il y a là. On voit globalement qu'il y a plus d'union quand même à la fin du siècle, même si tout est relatif. Alors, je passe sur la procédure de la faillite, et j'arrive à mon deuxième point, sinon on n'y arrivera pas, c'est donc que l'analyse de réseau m'a permis de montrer les différents financements des libraires, selon leur position sociale. Alors, sur le corpus, j'ai donc dépouillé 141 dossiers de faillite, beaucoup manquent dans les archives. Cela m'a permis d'établir 6961 liens de crédit, mais certaines créances sont seulement déclarées par le failli et d'autres seulement vérifiées par le syndic, et seulement une partie est commune aux deux listes. Alors, voilà, j'ai tracé ça une fois parce qu'on m'avait reproché lors de ma soutenance de thèse de ne pas vraiment classer les différents types de créanciers. Alors, on a des banquiers, des voisins, des amis, des parents et des fournisseurs. Comme je le disais la semaine dernière, c'est un peu faux, puisqu'en fait, à part deux catégories, les cercles se regroupent, puisque c'est une économie très localisée et fortement endogamique. Donc, les voisins, les amis, les parents et les fournisseurs sont parfois similaires, et ce n'est pas possible de les distinguer. Alors, je passe, on y reviendra peut-être. Une partie des libraires bénéficie de réseaux de crédit très autonome et très diversifié, comme les Beaux-Songes. C'est une vraie élite, mais là-dedans, donc les fournisseurs, ils sont en rouge, les autres, c'est des parents ou des banquiers, globalement. Le problème, c'est que Beaux-Songes, il est malin, il s'est marié avec les Bénières et les Deux Machis, et c'est plus facile pour avoir accès à la Banque de France. D'accord ? La plupart des... Alors là, on évite de se soucier des arcs, la direction des arcs. On peut distinguer trois types de libraires. Celui qui est en haut, Charles Denne, c'est vraiment les libraires typiques de l'époque. Ils ont affaire qu'à leurs fournisseurs. Seuls, donc en dehors des notabilités comme Beaux-Songes, on a en bas à droite De Pélafol, un dauphinois, dont je parlais à Boris tout à l'heure, a un réseau diversifié. On voit ici des fournisseurs en rouge, des banquiers et d'autres rentiers auxquels il a affaire. Pourquoi ? Parce que justement, Balzac le disait très bien, la librairie manque de crédit, un livre met 10 ans à se vendre, et donc il prolonge à chaque fois leur billet à ordre et ils ne se font pas rembourser. C'est ce qu'a montré aussi Emmanuel Pruneau, le crédit des libraires est très faible auprès de la Banque de France. Donc ils sont obligés de s'en remettre à leurs fournisseurs. Et c'est là où on peut revenir sur ce graphe-là et regarder la direction des arcs. De Pélafol, en fait, redistribue son crédit. Et en fait, on arrive au deuxième point, c'est l'escompte. Alors, c'est la plupart des effets de commerce que j'ai, moi, c'est pas des traites, donc c'est pas de place à place, c'est des billets à ordre sur une même place. Alors, globalement, très rapidement, un marchand a besoin de marchandises. Il va trouver son fournisseur, l'imprimeur ou le papetier, et il n'a pas d'argent, donc il va lui donner une sorte de chèque, et en échange, il a la marchandise. Donc, c'est ce que ça serait globalement une relation à deux personnes. En fait, le fournisseur a lui-même besoin d'argent, il s'en va trouver une autre personne auprès duquel le premier s'engage en retour. Et ça, c'est la définition dans le code de 1807. Mais en fait, c'est pas du tout pareil. Alors, d'une part, pardon, il y a des tiers porteurs à l'infini. Et je soupçonne, et alors là, c'est une hypothèse, mais je reviendrai plus tard dessus, c'est qu'en fait, la première relation, en fait, moi, je crois qu'il n'y a pas de marchandise, et c'est juste pour faire plaisir aux autorités, et qu'en fait, c'est déjà du prêt d'argent. Et pourquoi je dis ça, c'est qu'il y a une spécialité des libraires escompteurs, dont parle Balzac, et en fait, ça va progressivement devenir des banquiers. Et donc, j'arrive aux libraires escompteurs. Alors, l'analyse de réseau permet aussi de montrer la cohérence des communautés. Et on voit une beaucoup plus grande cohérence au sein des réseaux de libraires escompteurs, que sont De Pélafol, MAM et Toigné des Places, ici en noir, que, par exemple, un autre réseau a priori cohérent, puisque c'est une niche éditoriale. Mais en fait, ils ont très peu d'intermédiaires en commun, ils ont des réseaux personnels très délimités. Donc, on va s'intéresser aux escompteurs qui disparaissent en fait après 1848. Autre apport des graphes de réseau, c'est que ça permet de montrer les effets de cette cohérence des libraires escompteurs, puisqu'ils bénéficient du crédit des banquiers. En fait, ils sont très dépendants. Et là, en fait, se joue toute la crise de la librairie de 1830. Ils avaient beaucoup emprunté à la banque, aux grands banquiers comme Gouttecho, qui est en bas, qui a donné de fortes sommes aux escompteurs. Et lorsque éclate la crise londonienne de 1825, il va demander à recouvrer ses créances. Et donc là, ça fout la pagaille dans toute la librairie. Et c'est comme ça qu'on explique le flux de faillite que je vous ai présenté au début. Trajectoire, donc, pourquoi certains disparaissent. Alors, De Pélafol, effectivement, il disparaît. Naturellement, si j'ose dire, puisqu'il meurt avant la crise de 1848, comme MAM. Mais on voit en fait qu'après 1848, les libraires vont s'organiser et en fait, il n'y a plus l'utilité. Enfin, d'une part, le livre évolue, ça va être le début de la production de masse, et d'autre part, on assiste à l'institutionnalisation du système bancaire. Et donc, on voit la trajectoire de quelques escompteurs du livre, alors qu'ils ne sont pas issus de mes faillis, mais plutôt justement des créanciers. J'ai fait comme Lola, j'ai fait des recherches prosopographiques sur plusieurs d'entre eux qui étaient récurrents. Donc, effectivement, l'analyse de réseau ne peut pas se passer non plus de statistiques et de quelques calculs. Alors, pour faire plaisir à Marion, qui était mécontente de ne pas avoir de généalogie la semaine dernière, j'ai fait mes trajectoires sous forme de généalogie, et puis Michael va crier parce que c'est pas possible, c'est illisible, on voit rien, et que peut-être Pouc résoudra les problèmes. Alors, les temps ré, je prends juste une fraction de cette petite chose, on voit rien du tout, même moi là-dessus, je vois rien, c'est pas grave. Alors, si, le premier, je vais essayer de montrer, même si je suis. Voilà. Le premier, temps ré, ils sont à Douai et ils sont faïenciers. Le fils monte à Paris et vend des livres qui pourraient plaire aux clients de Lola, puisque ce sont des curiosas. Et il fait rapidement donc ce marché avec un certain confrère qui s'appelle Étienne Ledoux. On va le revoir, on l'a déjà vu sur un graphe, on va le revoir. Il se marie avec une Tardieu, bien née dans le milieu du livre, et très rapidement, avec d'autres imprimeurs, les Delatouche, il va fonder une banque en 1836. Il continue a priori encore le commerce du livre. Il va mettre son fils, donc Louis Tenré selon Nicolas Stoppskov, Louis Ludovic comme il se fait appeler, enfin, il a différents noms, et donc tous les trois, avec la dernière personne de la banque, ça va être Monsieur Tarot, Tarot et Toré, qui vont donc organiser la banque familiale. Et à partir des années 40, les Toré arrêtent le livre. À la troisième génération, donc les aînés sont sages, ils vont travailler pour leur père. Et le troisième, il va par contre s'allier avec Aguado, que vous connaissez peut-être, puisque c'est la petite fille du banquier du roi d'Espagne. Et puis ils sont liés au Montmorency, etc., etc. Donc lui, il est rentier, il est artiste peintre. Deuxième portrait, les Ledoux. Donc là, c'est encore moins lisible. Juste deux petites choses, c'est un peu le même genre. Donc, pareil, fils d'artisan, monté à Paris au moment du directoire. Lui, il est papetier. Dans les années 1830, il va travailler. Claire Lemercier l'a croisé puisqu'il est juge au tribunal de commerce et va bientôt être au sein du comité de d'escompte de la Banque de France. Son fils reprend exactement la même trajectoire, mais il meurt vite. Alors sa femme, pour ne pas rester seule, elle va se marier avec un Craplet, très sympathique, qui va marier sa fille par alliance à Fould. Et Fould, dont je parlais tout à l'heure, c'est une grande... Enfin, en fait, même Craplet, il est très généreux, puisqu'il va aider le Fould ruiné qui est aux États-Unis. Et j'arrive au problème que tout ça pose, puisque en contactant un descendant qui est pas sur, qui est tout petit ici là, vers là, j'ai réussi à avoir un énorme carton d'archives personnel de l'escompteur papetier Louis-Thomas Romain Ledoux. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est des billets à Orne principalement et un petit peu de correspondance. Donc en fait, pourquoi c'est intéressant d'étudier ça, c'est que l'escompte, qu'est-ce qu'on connaît de l'escompte, c'est principalement l'escompte bancaire, qui est bien plus tardif à l'escompte commercial. Je rappelle globalement la bibliographie sur l'escompte: Clément Juglard bien sûr, mais c'est la Banque de France, Gaston Rouleau bien sûr, mais c'est la Banque de France, Bertrand Gilles, mais une page sur les petits escompteurs professionnels, Alain Plessis a fait un bel article sur la révolution de l'escompte, mais c'est principalement aussi l'escompte bancaire, et bien sûr Patrice Bobo, mais c'est encore l'escompte bancaire, alors que l'escompte commercial est peu étudié. Donc, et l'autre source qui est liée à la première, donc, c'est les archives de la Banque de France, et ça serait d'étudier toute la clientèle commerciale de la Banque de France, et pour voir, puisqu'on a à chaque fois trois certificateurs qui permettent l'entrée d'un client, c'est la fiche d'en haut, et en bas, c'est le verso. Et ça donne des commentaires sur l'acception ou non de ce client, mais ça permettra d'étudier justement comment on fait crédit, d'un point de vue littéraire. Alors, ça m'a posé la question, est-ce qu'on peut utiliser encore, donc c'est des chaînes, hein, là on est bien dans les chaînes relationnelles, est-ce qu'on peut utiliser l'analyse de réseau pour ça? Alors, voilà, globalement en fait, le problème c'est qu'on a à chaque fois plusieurs personnes, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez là, les endos de billets, à chaque endo, il y a une circulation, c'est la chaîne de crédit qu'on voyait entre tiers porteurs. Alors comment on peut faire, puisque une ligne c'est un individu, et eh ben en fait, je ne sais pas si on voit, non on voit rien, il y a deux personnes qui sont liées, donc le premier c'est le souscripteur, et là ça va être, disons, son premier fournisseur. Et en fait, après, il faut coder la chaîne, donc l'ordre 1, 2, 3, 1, 2, 3. Mais du coup, ça multiplie les liens pour rien. Puisque si je prends un billet, et ben là, j'aurai trois lignes pour un seul billet. D'accord ? C'est pas grave. C'est pas grave. D'accord. Mais après, il faut donner un sens. Donc ça, le fait de donner une ligne à chacun, ça permet de faire ça. Et ici, l'épaisseur des traits, en fait, c'est la récurrence des liens. Et on voit qu'on peut avoir des liens réciproques, par exemple entre De Pélafol et Béchet, ou entre Ledoux, Étienne et Béchet. Et au contraire, il n'y a pas du tout de lien entre Louis-Thomas Romain Ledoux, le papetier escompteur, et Étienne Ledoux. Alors j'ai bien essayé de chercher, mais a priori, ils n'ont pas de lien de parenté. Ou à moins qu'ils soient fâchés et qu'il y ait un silence de famille, comme j'ai déjà parfois pu voir. Ce qui m'intéresse surtout, c'est justement les chaînes et les séquences. Puisque, à mon avis, la Banque de France, il faut être très renommé pour avoir recours à la Banque de France. Si on n'a pas les bons noms au bon endroit, on ne va pas avoir le billet. Et donc, je suis persuadée qu'il y a tout un ordre. Et c'est ces séquences-là qui m'intéressent d'analyser. Et bien sûr, j'essaye de faire la même chose sur... Mais là, on ne voit pas non plus, donc ce n'est pas bien grave. Sur... alors, peut-être qu'on le voit comme ça. Il y a une souris. Sur les archives de la Banque de France. Non. Mais là, il y a un problème, parce que des fois, c'est des raisons sociales, où il y a plusieurs individus. Des fois, c'est des individus, mais qui font partie de la raison sociale. Et donc là, j'ai un gros problème d'identification, pour l'instant. Voilà. Merci. Merci beaucoup.